Il faut renoncer à peindre les sentiments de Glenarvan et de ses amis, car résonnèrent à leurs oreilles les chants de la vieille Écosse. Mais, avant de songer à la fatigue, aux impérieux besoins de la faim et de la soif, Glenarvan interrogea Tom Austin sur sa présence dans ces parages. « Mais, le Duncan croise ici, par ordre de votre honneur ?»« Par mes ordres ?» s'écria Glenarvan. « Oui, Milord, je n'ai fait que me conformer à vos instructions contenues dans votre lettre du 14 janvier. »« Ma lettre ? Ma lettre ?» s'écria Glenarvan. « La lettre datée de Snowy River était donc parvenue au Duncan ?»« Et cette lettre ? Elle n'était pas écrite de votre main, mais signée de vous, Milord. » C'est cela même. Ma lettre vous a été apportée par un convict nommé Ben Joyce. Non, par un matelot appelé Ayrton, quartier-maître du Britannia. Oui, Ayrton, Ben Joyce, c'est le même individu. Eh bien, que dit cette lettre? Elle me donne l'ordre de quitter Melbourne sans retard et de venir croiser sur les côtes orientales de... De l'Australie? S'écria Glenarvan. De l'Australie? Répéta Tom en ouvrant les yeux. Mais non, de la Nouvelle-Zélande. Avez-vous la lettre, Tom? Demanda le major. Intrigué au plus haut point. « Oui, monsieur McNabbs, répondit Austin, je vais la chercher. » Sur cette lettre, Paganel, au lieu d'écrire « Australie », avait écrit « Nouvelle-Zélande ». « Maintenant, Paganel, lui dit Glenarvan, répondez franchement. Je reconnais que votre distraction a été providentielle. À coup sûr, sans vous, le Duncan serait tombé entre les mains des convicts. Sans vous, nous aurions été repris par les Maoris. Mais, pour l'amour de Dieu, dites-moi, par quelle étrange association d'idées « par quelle surnaturelle aberration d'esprit, vous avez été conduit à écrire le nom de la Nouvelle-Zélande pour le nom de l'Australie ?»« Eh, parbleu !» s'écria Paganel, « c'est... » Mais au même instant, ses yeux se portèrent sur Robert, sur Mary Grant, et il s'arrêta court. Puis il répondit, « Que voulez-vous, mon cher Glenarvan ? Je suis un insensé, un fou, un être incorrigible, et je mourrai dans la peau du plus fameux distrait !» L'incident n'eut pas de suite. Le mystère de la présence du Duncan était éclairci.